L'offre de remboursement de SFR débarque chez Monsieur Comte de Noël. Il était une fois mon mobile et moi. Par une belle journée, je me rendis chez SFR et là, 500 euros remboursés. Mon ancien mobile devint alors flambant neuf. Pendant le Noël de SFR jusqu'au 6 janvier, profitez de jusqu'à 500 euros de remise sur un nouveau mobile. Soit jusqu'à 400 euros en rapportant votre ancien mobile en magasin, plus 100 euros remboursés sur demande. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition, montant de la reprise variant selon le mobile éligible acheté. 100 euros remboursés pour la souscription d'un forfait 60 gigas et plus avec engagement 24 mois. Détails sur sfr.fr. Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, la révolution de velours en Tchécoslovaquie. Il est de ces années qui restent gravées dans les mémoires, dont on sait immédiatement qu'elles trouveront vite une place dans les manuels d'histoire, parce qu'elles constituent un point de bascule d'un monde vers un autre, d'une époque ancienne vers une nouvelle époque. L'année 1989 est bien sûr de celle-ci. En quelques mois, une brèche se crée dans un monde jusque-là bipolaire, plongé dans la guerre froide depuis près d'un demi-siècle, bloc soviétique contre bloc américain, démocratie occidentale contre régime communiste. Au cœur de cette année 89, où tout change, il y a donc la Tchécoslovaquie. Ce pays d'Europe centrale, constitué de deux nations et de deux États fédéraux, tient avec ce qu'on appellera très vite la révolution de velours, une place particulière. À la fois archétype de cette séquence historique stupéfiante où de nombreux peuples conquièrent leur liberté de manière soudaine et pacifique et, dans le même temps, original, oui, car animé par des logiques et des personnalités propres à son contexte national. Au cœur de cet événement sans commune mesure, on retrouve Václav Havel, homme de lettres qui, en quelques mois, passe du statut de dissident à celui de président. Incarnation d'une révolution avant tout civique et éthique. Comment s'est déroulée cette révolution de velours? Qui en sont les acteurs? Quelles forces extérieures et intérieures ont permis cet incroyable scénario? Quelle est la part du contexte international dans ce mouvement? Et que reste-t-il aujourd'hui de la révolution de velours et de cette année 1989? Ces questions, nous les poserons en seconde partie d'émission à Bernard Guetta, journaliste, spécialiste de géopolitique et chroniqueur sur France Inter, bien sûr. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Arnaud Caillé. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. François Mitterrand à Prague, 20 ans après la fin du printemps et l'entrée des chars soviétiques. C'est la première visite officielle d'un chef d'État français en Tchécoslovaquie. Pour Monsieur Mitterrand, c'est aussi et surtout peut-être un test pour la politique d'ouverture à l'Est. Lorsque ce 8 décembre 1988, François Mitterrand débarque à Prague pour une visite officielle de deux jours, il atterrit dans un pays en décalage. Alors que depuis trois ans, depuis l'arrivée de Gorbatchev à sa tête, l'URSS est engagée avec les politiques de Perestroïka et de Glasnost sur la voie de la libéralisation et de l'ouverture, l'État satellite de la Tchécoslovaquie lui semble immobile, figé par un régime qui repose plus que jamais sur l'omnipotence du Parti communiste et la mainmise de l'État sur la vie économique et culturelle. Ainsi, en 1988, alors que le bloc soviétique bouillonne déjà par endroits, avec les grèves à répétition en Pologne, le départ du dirigeant hongrois ou le réveil des nationalismes dans les républiques de l'URSS, la Tchécoslovaquie, elle, est toujours plongée dans sa normalisation. Entendez par là la politique de répression qui a suivi la mise au pas du printemps de Prague, quand en août 1968, les troupes du pacte de Varsovie, envoyées par Brejnev, envahissent le pays pour mettre fin au socialisme à visage humain du président d'alors, Alexandre Dubček. Tout le paradoxe est là. Car la politique menée par Gorbatchev s'inscrit dans la droite ligne réformatrice et expérimentée en Tchécoslovaquie 20 ans auparavant. Mais enfermé dans sa logique répressive, le régime communiste tchèque du secrétaire général Miloš Jakeš et du président Gustav Husák ne voit pas les changements en cours, ou ne veut pas les voir. Alors, ce 8 décembre 1988, François Mitterrand tient à le rappeler aux dignitaires de ce pays, non, ils ne pourront pas faire l'économie de l'aspiration à la liberté et du respect des droits de l'homme. Vous n'ignorez pas l'écho considérable que suscita en France ce qui fut appelé le printemps de Prague et le prestige moral qui s'attacha chez nous aux actes et aux personnes qui, à nos yeux, illustraient les valeurs auxquelles nous croyons et que nous célébrerons solennellement à l'occasion du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Droit de s'exprimer, de s'associer, d'aller et de venir. Droit à la justice, souveraineté du peuple. Simple discours de circonstance, pas seulement. Car le lendemain, le 9 décembre donc, le président Mitterrand organise une rencontre inédite. Il reçoit à l'ambassade française de Prague un groupe de 8 personnalités, et non des moindres, puisqu'il s'agit de dissidents tchèques. La plupart appartiennent à la charte 77, principal mouvement d'opposition au régime. Cette charte est née, comme son nom l'indique, en 1977, après l'arrestation des Plastic People, groupe phare de la scène indépendante tchèque, jugé non conformiste. De nombreux intellectuels et étudiants se mobilisent pour défendre les artistes. À leur tête, Václav Havel, dramaturge et écrivain. Ensemble, ils rédigent un texte qui rappelle les engagements de la Tchécoslovaquie dans les accords d'Helsinki sur les droits de l'homme, signés en 1975, mais qui surtout dénonce les dérives du gouvernement. Largement relayée à l'étranger, l'initiative est muselée à l'intérieur du pays. L'un des porte-parole, Jan Patočka, philosophe, meurt d'une crise cardiaque à la suite d'un long interrogatoire. Václav Havel, pour sa part, est emprisonné de 1979 à 1983. Pourtant, la charte 77, mouvement informel, parvient à se maintenir. Toute la force des dissidents est d'avoir adapté leur organisation au contexte du régime communiste des années 70. Ainsi, le mouvement se place sur le terrain de la morale et de l'éthique. Non, il ne cherche pas à renverser le pouvoir et n'aspire à aucune existence politique. Ses revendications sont larges et permettent de rassembler de nombreuses tendances. Des communistes réformateurs exclus après le printemps de Prague, aux jeunes issus de la culture underground, en passant par des opposants catholiques ou des militants écologistes. Leur rencontre ce 9 décembre 1988 avec François Mitterrand légitime bien sûr la démarche des dissidents. D'ailleurs, Václav Havel donne une interview à la télé française. C'est triste de voir notre pays isolé dans l'Europe centrale qui commence à se libérer. En fait, nous avons un parti communiste très conservateur et il faut comprendre pourquoi. C'est que, après le printemps de Prague, ce parti a procédé à une grande épuration et a chassé de ses rangs tous ceux qui avaient l'esprit un peu ouvert. Il n'a gardé que les plus durs, les plus traditionnels, les plus obéissants. Ce qui fait que ce parti communiste n'est plus capable d'ouvrir la société à des réformes. De ce fait, aujourd'hui, la Tchécoslovaquie apparaît comme un pays figé par son passé. Mais la société commence à bouger et cela nous donne espérance que sous cette pression, le changement, un jour, sera possible. En Tchécoslovaquie, il existe une forte tradition des commémorations historiques. Sur son calendrier, le pouvoir a coché plusieurs dates susceptibles d'être utilisées par les dissidents pour organiser des manifestations dans l'année 89. Parmi elles, le 16 janvier, date du 20e anniversaire de l'immolation de Jan Palach. C'était donc en 1969. Au début de cette année-là, ce jeune étudiant se rend sur la place principale de Prague, Venceslas, au pied de la statue du saint du même nom, et c'est là qu'il s'asperge d'essence et s'immole par le feu pour protester contre l'occupation soviétique et réveiller l'apathie dans laquelle ses concitoyens sont plongés. Il succombe à ses blessures 3 jours plus tard. Devenu le martyr du socialisme à visage humain, symbole de l'ouverture et de la liberté défendue par les contestataires de 1989, plusieurs organisations dissidentes, dont la Charte 77, les Enfants de Bohème ou le club John Lennon, appellent à manifester le dimanche 15 janvier 1989. Suite à cet appel, Václav Havel et la télévision d'État reçoivent une lettre anonyme d'un groupe de jeunes qui explique qu'ils s'apprêtent à rééditer le geste sacrificiel de Jan Palach. Les journalistes montrent la lettre à la télé et conjurent les auteurs de renoncer à leur projet. Et d'où vient cette lettre ? S'agit-il d'une intention réelle, d'une manœuvre de la police secrète, la STP, d'une diversion du pouvoir pour empêcher la manifestation ? Quoi qu'il en soit, la conséquence ne se fait pas attendre, puisque le dimanche 15 janvier 1989... Il voulait juste se souvenir, 20 ans après. Mais pour certains, ici en Tchécoslovaquie, il y a des souvenirs intolérables. Interdiction formelle de toute manifestation. Et pourtant, ils étaient plus de 2000 à avoir décidé de participer quand même au rassemblement de cette place Venceslas. Ils ont tout juste eu le temps de crier « Jan Palach, nous ne t'oublierons pas ». Les unités anti-émeutes qui quadrillaient en force depuis le matin même le quartier ont chargé. Gaz lacrymogène, matraques, canons à eau, arrestations, plusieurs blessés graves, un scénario écrit comme à l'avance par les autorités tchèques. Ce 15 janvier, près de 100 personnes sont interpellées, dont Václav Havel. Le lendemain, jour anniversaire de l'immolation de Jan Palach, alors qu'aucun appel au rassemblement n'a été lancé par l'un des groupes de dissidents, des milliers de jeunes se mobilisent et affrontent de nouveau les forces de l'ordre. Dans les jours qui suivent, le même scénario se répète. Un noyau composé de quelques milliers d'étudiants, bientôt rejoints par des badauds ou des sympathisants, se regroupent sur la place Venceslas, inventent leurs premiers cris et slogans « Liberté, démocratie, Yakesh Vatan, libérer Havel ». À chaque fois, le pouvoir répond par la brutalité. Au fil des jours de ce mois de janvier, le mouvement s'essouffle, mais les premiers signes concrets, physiques, ouverts du mouvement dissident se mettent en place. Jamais depuis 1969, les rues de Prague n'avaient connu une pareille manifestation. Et les conséquences sont doubles. En interne, le secrétaire général Miloš Jakeš renforce sa position. Il montre sa capacité à maintenir l'ordre au prix d'un réveil de la plupart des intellectuels et d'une grande partie de la jeunesse du pays. À l'étranger, l'attitude du régime est largement critiquée à l'ouest, mais aussi par des manifestations de solidarité en Pologne et en Hongrie. Et surtout, Moscou ne dit rien. Un silence en forme de désaveu pour le régime tchèque. Quelques semaines plus tard, le 21 février 1969, le verdict du procès de Václav Havel tombe. C'était le 16 janvier dernier. Havel et d'autres manifestants voulaient déposer des fleurs place Venceslas, à l'endroit où Jan Palach s'est donné la mort. La police a chargé avec une extrême violence. Havel a été arrêté et risquait pour cela 2 ans d'emprisonnement. Il est condamné à 9 mois. Le jugement est sévère. Tous les témoignages concordent pour dire que les manifestations de janvier étaient pacifiques. Cette condamnation démontre que le régime de Prague n'entend pas changer sa ligne politique du Reste à savoir quelle sera la réaction de la population. Havel est un des dissidents les plus célèbres en Tchécoslovaquie. On le compare à Sakharov ou Valéza. Cette condamnation va encore accroître son prestige. Tout le contraire de ce que souhaite le gouvernement tchécoslovaque. Effectivement, avec cette condamnation, le pouvoir et en première ligne Miloš Jakeš commet sa plus grande faute. Depuis plusieurs années, la réputation du dissident Havel s'est imposée, notamment à l'Ouest. L'absurdité de la décision renforce la perte de légitimité du pouvoir. Havel est finalement libéré le 16 mai à la moitié de sa peine. Quelques semaines plus tard, le 23 juin, une pétition intitulée « Quelques phrases » réunit plus de 30 000 signatures pour ouvrir un dialogue entre le pouvoir et la charte 77 qui s'impose comme l'interlocuteur privilégié du régime. Un régime qui compte malgré tout sur le reste de la population du pays pour se maintenir. Car l'une des spécificités de la Tchécoslovaquie, c'est d'être, avec la RDA, le plus développé des pays socialistes. Malgré un ralentissement de sa croissance ces dernières années, la majeure partie de la population du pays, si elle rejoint les revendications des dissidents sur la libéralisation et le respect des droits de l'homme, n'est pas prête à sortir dans la rue, car elle ne voit pas très clairement l'alternative possible. Et puis surtout, les exemples hongrois et polonais, dont les situations économiques sont en crise, ne les encouragent pas à tenter l'aventure. Or, c'est justement du côté de son voisin, l'Allemagne de l'Est, à la situation comparable, que la situation va basculer. Le 2 mai, en Hongrie, sur ordre du Premier ministre, on coupe les barbelés de la frontière avec l'Autriche, le fameux rideau de fer. Le 10 septembre, la frontière austro-hongroise est ouverte à tous et des milliers d'Allemands de l'Est s'y engouffrent. Après l'interdiction de Berlin de passer la frontière, les réfugiés est-allemands s'installent dans les ambassades de RFA, des capitales de l'Est, notamment à Prague. L'attitude de ces Allemands, de la RDA, dont l'URSS avait fait le symbole éclatant de sa réussite, marque profondément l'imaginaire de la population tchécoslovaque. Et 2 mois plus tard, le 9 novembre 1989, l'histoire bascule. Le rideau de fer qui depuis 28 ans sépare les deux Allemagnes et comme une longue blessure les deux Europes, le rideau de fer a été aujourd'hui effacé par la pression d'un peuple sur un régime à bout de force. Le gouvernement est-allemand a annoncé ce soir, il y a moins d'une heure, l'ouverture immédiate de la frontière inter-allemande pour les candidats à l'émigration comme pour ceux qui veulent simplement voyager à l'étranger. Et le jeu de domino commence. Les retardataires n'ont plus qu'à suivre. En Tchécoslovaquie, enfermé par le poids historique et symbolique du printemps de Prague et de la normalisation, le régime reste sur sa logique répressive. Depuis les manifestations du début de l'année, il continue à maintenir la surveillance sur les dissidents. Václav Havel, bien sûr, est suivi de près. Et la chute du mur ne change rien, comme le montre de manière éclatante la journée du 17 novembre 1989. En Tchécoslovaquie, cette date est celle de la Journée internationale des étudiants. Elle commémore l'assassinat par les nazis le 17 novembre 1939 de Jan Opletal, un jeune étudiant tchèque qui manifestait contre l'occupation allemande. Ainsi, ce 17 novembre 1989 à 16h, un cortège beaucoup plus important que lors des précédents rassemblements, entre 15 et 20 000 personnes, principalement des étudiants et des jeunes, se déploie dans les avenues de la capitale. Rapidement, émergent de la foule non plus les slogans d'hommage aux jeunes étudiants assassinés 50 ans plus tôt, mais bien les mots d'ordre contestataires à l'encontre du gouvernement, criés depuis plusieurs mois. Élections libres, vive Havel, Yakesh à la poubelle. D'ailleurs, aux alentours de 18h, la foule décide de se diriger vers la place Venceslas. Sur sa route, le cortège s'agrandit de plus en plus. Il est environ 20h sur l'avenue nationale lorsque la foule rencontre les forces de l'ordre. Les deux groupes se retrouvent face à face, distancés d'à peine quelques mètres. D'un côté, on reste stoïque. De l'autre, on continue de crier les slogans, on dépose des fleurs sur les boucliers des policiers. Pacifiques, les manifestants sont persuadés que les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir parce que la situation a changé, parce que le mur de Berlin est tombé. Moralement et politiquement, les conséquences pour le gouvernement seraient terribles. Et pourtant, à 21h, la police charge. Madame, monsieur, bonsoir. Le tremblement de terre politique qui secoue actuellement l'ensemble du bloc de l'Est a pour conséquence des vents contraires. Souffle de liberté en Pologne, en RDA, en Hongrie, crispation en Roumanie et en Tchécoslovaquie. À Prague, hier soir, une manifestation a été très sévèrement réprimée par la police et l'armée. Patricia Coste. Victime d'une sauvagerie sans précédent. Des visages en sang. Des témoignages qui concordent. Je les ai vus matraquer des enfants, dit cette femme. Les unités anti-émeutes ont obéi aux ordres, tapant au passage sur les journalistes. Des parachutistes, unité spéciale connue pour leur brutalité, avaient été appelés en renfort pour la première fois depuis des années. Les manifestants, pourtant, avaient voulu se montrer comme en Allemagne de l'Est, résolument pacifistes. Ils avaient osé, pour la première fois depuis le printemps de Prague, descendre en masse dans la rue. Hier, ceux qui n'étaient pas nés pendant le printemps de Prague, des lycéens, des étudiants, ont réussi à entraîner la génération qui ne croyait plus que l'on pouvait faire un printemps en automne. Il manquait une étincelle à la révolution tchécoslovaque, la voici. La violence de la répression face à une population jeune et pacifique marque profondément les esprits. Poussée par les dissidents, encouragée par le contexte extérieur, l'opposition qui depuis des mois renoue et tisse les fils de son histoire par des commémorations comme autant de manifestations, est véritablement lancée. Alors, comment va-t-elle s'organiser? Comment le régime, enfermé dans sa logique, va-t-il réagir? Martin Schmitt a été battu par plusieurs parachutistes, 3 ou 4, je ne sais pas exactement, mais nous avons un témoignage d'un témoin qui le suivait de près et qui était son ami depuis leur enfance. Ils ont si violemment donné les coups dans son visage que le visage a été transformé et on ne pouvait plus le reconnaître. La fille qui nous l'a raconté, qui était témoin elle-même, elle a voulu le défendre. Elle était violemment battue et elle était transportée à l'hôpital. Je pense que la mort de Martin Schmitt change la situation en Tchécoslovaquie. Il n'est plus possible que la direction du Parti communiste et de l'État reste dans leur poste. Ils doivent partir. Lorsque Petr Hůl, l'une des principaux dissidents tchèques, lance la rumeur de la mort d'un jeune étudiant, elle donne une ampleur considérable à cette journée du 17 novembre. Elle heurte profondément l'ensemble de la population et accentue l'illégitimité du pouvoir. Finalement, l'information sera démentie quelques jours plus tard. Malgré tout, ce 17 novembre 1989 enclenche le processus révolutionnaire. Dès le lendemain, une riposte de grande ampleur s'organise. La population descend en masse dans les rues de Prague. Surtout, l'opposition se structure. Dans la matinée, la grève est décidée dans les universités et les théâtres. Étudiants et comédiens seront les fers de lance de cette révolution de velours. Les théâtres restent ouverts pour pouvoir accueillir les différents groupes de dissidents. C'est d'ailleurs dans l'un d'entre eux, le Sinoerni Club, situé dans une rue adjacente à la place Venceslas, que dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 novembre, une centaine de personnes se réunissent et créent le Forum Civique. Cette organisation rassemble une douzaine de mouvements, dont la charte 77 et fixe les premières exigences de l'opposition. Elle désigne Václav Havel comme porte-parole et reprend les principes de la charte 77, c'est-à-dire une organisation souple et démocratique, aux revendications à la fois ciblées et aux principes larges. Le même jour, à Bratislava, côté slovaque, est créé le VPN, Public contre la violence, structure miroir du Forum civique dans l'autre État fédéral du pays. Cette fois, la contestation gagne toute la Tchécoslovaquie et les manifestations continuent jour après jour sur la place Venceslas. L'importante foule qui s'était donné rendez-vous sur la place Venceslas tentait en début de soirée de marcher sur le château, le siège de la présidence. Beaucoup portent des drapeaux aux couleurs nationales et des banderoles exprimant leur soutien aux étudiants en grève. Tous réclament la démission du gouvernement, celle de Miloš Jakeš, le chef du Parti communiste, et des élections libres. Une lutte décisive pour le pouvoir semble en cours. Et les jours de Miloš Jakeš à la tête de l'État sont comptés. C'est justement ce que disait ce matin l'écrivain opposant Václav Havel. Qui sait si ce n'est nous, quand si ce n'est maintenant, où si ce n'est ici? L'opposition invente ses chants de ralliement et ses symboles. Les trousseaux de clés agités sur la place par la foule indiquent au pouvoir qu'il est temps désormais de partir. Lors des rassemblements, les orateurs se succèdent. Václav Havel, bien sûr, mais aussi l'archevêque de Prague, Monseigneur Thomas Seck ou les ouvriers des usines métallurgiques. Chaque jour, les rassemblements se succèdent. Et ce sont bientôt 500 000 personnes qui se réunissent sur la place Venceslas à Prague, le tout dans un calme absolu, sans aucun débordement. À l'image du Forum civique, qui réunit aussi bien l'extrême-gauche que les monarchistes ou les démocrates chrétiens et le catholicisme militant, l'objectif de l'opposition est de rassembler autour d'elle l'ensemble de la population. Pour y parvenir, une date est fixée, celle du 27 novembre, 10 jours après le début du mouvement. Un appel à la grève générale est lancé. Même pendant le printemps de Prague, en 68, il y avait eu peu de grèves. Le régime se doit donc de réagir avant la tenue de cette grève. C'est d'ailleurs ce qu'il fait le 22 novembre 1989. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une fois encore, l'information de ce week-end viendra principalement de l'Est. Hier soir, le parti, les dirigeants du Parti communiste tchécoslovaque ont dû démissionner en bloc. Miloš Jakeš a dû laisser sa place de secrétaire général à un homme jeune, Karel Urbanek, qui n'a jamais été, lui, impliqué dans l'intervention soviétique de 1968. La population n'en a pas fini avec ses dirigeants. Une nouvelle manifestation devrait avoir lieu cet après-midi à Prague. L'opposition, elle, réplique et accentue ses exigences. Le programme du Forum civique demande maintenant la démission des principaux responsables de la normalisation. Au sein du Front national, les autres pays réduits au silence par le Parti communiste commencent à prendre leur distance avec le pouvoir et reprennent petit à petit leur indépendance. À Bratislava, Alexandre Dubček, l'homme du socialisme à visage humain, le président déchu du printemps de Prague, entre dans l'arène et prononce un premier discours sur la place de la capitale slovaque. Le 24 novembre, il est cette fois à côté de Tchèque, où il rejoint Václav Havel à la tribune de la place Venceslas. Deux générations se retrouvent unies, celle du printemps et celle d'aujourd'hui, autour d'un même objectif, la liberté. Enfoncé dans son manteau gris, chapeau mou assorti, entouré d'acteurs et de chanteuses, Dubček laisse son regard se perdre dans la foule de 800 000 manifestants. Il a dans les yeux cette hauteur lointaine et pourtant humble d'un homme simple qui rentre d'exil. Et surtout, ce n'est pas son milieu. Bien sûr, en face de lui, c'est tout le peuple tchèque, paysans, fonctionnaires, hommes, femmes, jeunes, vieux, qui se retrouvent pour partager la même émotion en écoutant des chansons populaires. Mais les leaders de l'opposition ont fait de la manifestation un véritable spectacle. Et ce sont des professionnels. Non pas de la politique, comme Dubček, mais du théâtre. Devant eux, il n'y a pas une foule, mais un public qui réagit au quart de tour. À la tribune, on se présente et on salue, comme au théâtre. On récite des poèmes et on chante des chansons entre des discours. À la fin, Havel et Dubček chantent ensemble l'hymne national, la politique et l'auteur dramatique, ensemble, avec 800 000 personnes. Pendant ce temps, du côté du régime, on piétine. Ladislav Adamek, le premier ministre, partisan de l'ouverture, engage le dialogue avec Václav Havel. Et il annonce des réformes. Il reconnaît d'abord la brutalité du 17 novembre. Une erreur politique. Les hommes de la normalisation sont évincés du bureau politique. En réalité, le décalage entre la rue et le parti semble complet. Pour l'opposition, malgré ses annonces, il faut maintenir la pression. Et tous le savent, la véritable journée décisive sera celle du 27 novembre, jour de la grève générale. Le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est une grève de 2 heures à l'appel de l'opposition, du jamais vu depuis 1938. Hier, Ladislav Adamek, le premier ministre qui rencontrait Alexandre Dubček et Václav Havel, a demandé aux 2 millions de manifestants que cette grève soit ramenée à quelques minutes. Colère de l'un d'entre eux, au micro de Jacques Expert. Nous ne sommes pas d'accord avec Adamek parce qu'il change le vêtement, le manteau. Il a proposé de faire la grève seulement quelques minutes. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. Il faut protester, il faut montrer l'unité des gens, des ouvriers, des étudiants, de tous les employés aussi. Il faut continuer dans la grève jusqu'à la durée des heures. Est-ce que malgré tout ce changement peut se faire avec des communistes réformateurs? Avec Dubček, oui, mais je ne crois pas les fonctionnaires du Parti communiste. Que pour changer quelque chose. Vous n'avez confiance en définitive dans personne dans ce non, gouvernement? Non, je ne connais pas les personnages communistes qui sont d'accord avec nous. Ce 27 novembre 1989 marque la seconde rupture de la révolution de velours. La démonstration de force de l'opposition à travers tout le pays accule encore plus le pouvoir. Après 10 jours de manifestations successives, le mouvement entre dans une nouvelle phase. On fait une pause dans les rassemblements pour entamer des discussions avec le régime et organiser la suite. Le Forum civique, qui ne souhaite pas devenir un parti politique, mais qui se retrouve comme principal interlocuteur, exige désormais la démission du président Uzak, la tenue d'élections libres, ainsi que la formation d'un nouveau gouvernement. Le régime, lui, avance à pas mesurés. Le Parlement modifie la Constitution par des dispositions fortes. L'abandon de la doctrine marxiste dans l'éducation et du rôle de dirigeant de la société accordé au Parti communiste. Le 3 décembre 1989, comme convenu, Adamek, le Premier ministre, forme un nouveau gouvernement et fait entrer 5 membres non communistes. La réponse de l'opposition ne se fait pas attendre. C'est bien peu. Ils ne se satisferont pas de ces demi-mesures. Alors, on menace une nouvelle grève générale et surtout, on retourne dans la rue. Au lendemain de la composition contestée du nouveau gouvernement, la rue a fait la démonstration de sa force. Le pouvoir ne peut ainsi pas compter sur un essoufflement du mouvement et doit désormais craindre une grève générale lundi prochain s'il ne cède pas. 300 000 personnes ont envahi dès 16 heures les abords de la place Venceslas. Les rues voisines étaient bondées, impossible d'avancer plus près. La foule a scandé « Démission, liberté, vive le forum civique ». Ils nous ont une nouvelle fois menti, tandis qu'une forêt de drapeaux aux couleurs tchécoslovaques s'agitait sur la place et que la foule chantait l'hymne national. Les acteurs et les étudiants qui avaient cessé la grève ont annoncé qu'ils reprenaient leur mouvement. Quant au père Václav Mali, l'un des leaders du forum civique, il s'est prononcé sous les vivas pour la constitution de liste unique de l'opposition aux élections libres de l'année prochaine. Aucun mot d'ordre pour une nouvelle manifestation demain n'a pour l'instant été lancé. La balle est donc dans le camp du Premier ministre Ladislas Adamek, mais après la démonstration d'aujourd'hui, il semble bien maintenant qu'il n'est qu'une seule solution, se soumettre une nouvelle fois à la volonté de la rue. Face à la pression, Adamek démissionne le 7 décembre. Il est remplacé par Marianne Kalfa, qui forme un nouveau gouvernement dans lequel entrent cette fois 11 non-communistes. Et pour la première fois depuis 1948, le parti dominant est maintenant minoritaire. Dans la foulée, Gustav Husák, le président, démissionne. Le régime s'est effondré. Voilà, c'est fait. La révolution a réussi. Reste au mouvement d'opposition à transformer et concrétiser cette victoire. C'est autour du forum civique que s'organise la transition. Il doit savoir autour de quel candidat de la présidence il pourra se réunir et se souder. Deux noms ressortent. Celui de Václav Havel, véritable leader du mouvement, et celui d'Alexandre Dubček, le père du printemps de Prague. Le premier, répétons-le, est tchèque. Le second, slovaque. Après plusieurs jours de discussion, c'est finalement Havel qui est choisi comme candidat alors que Dubček occupera la présidence du Parlement. La veille de l'élection, Václav Havel, l'ancien dissident, désormais candidat à l'élection, donne une interview. Je n'aurais pas posé ma candidature pour être un président symbolique. J'ai accepté parce que mes amis et le peuple m'ont convaincu qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais si je suis élu, c'est pour une période assez courte. Normalement, dans 6 mois, il y aura des élections législatives en Tchécoslovaquie, les premières élections libres depuis 40 ans. Et c'est le nouveau Parlement, choisi démocratiquement par les électeurs, qui désignera le président pour 5 ans. Donc, je suis un président de transition. Il y a 6 mois, si quelqu'un vous avait dit « avant la fin de l'année, vous serez président de la République », est-ce que vous l'auriez cru ? Bien sûr que non, j'aurais pensé qu'il plaisantait. L'élection du président Havel, le 29 décembre 1989, marque véritablement la fin de la révolution de velours. En 6 semaines, la Tchécoslovaquie aura mis fin à 50 ans de régime communiste et instauré la liberté et le pluralisme politique. Cette révolution tranquille, qui tout du long parvint à conserver son caractère pacifique, est une révolution éthique, civique. Quelques mois après sa victoire, François Mitterrand accueille le nouveau président tchécoslovaque à l'Élysée. Une manière de clore cette séquence historique et surtout de se tourner vers le nouveau défi de ces deux hommes, un défi toujours d'actualité, l'Europe. I'm France Inter, Affaires sensibles. Aujourd'hui, la révolution de velours. Notre invité Bernard Guetta. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour. Journaliste bien sûr, spécialiste de géopolitique évidemment. Déjà, question personnelle. Quel souvenir gardez-vous de cet épisode-là ? Vous étiez en poste à Moscou, je crois. J'étais en poste à Moscou pour Le Monde depuis déjà un peu plus de 3 ans. Et si vous voulez, vu de Moscou, la révolution de velours à Prague, qui a tellement frappé le monde, à juste titre, était une toute petite chose. Était une toute petite chose, pourquoi ? Alors que c'était un événement gigantesque, naturellement. Mais c'était une toute petite chose parce que, pendant ce temps-là, parallèlement, et depuis 1985, le communisme s'écroulait en Union soviétique. Et si ces révolutions de velours, dans tous les pays qu'on appelait à l'époque les démocraties populaires, deux mots, deux mensonges, disait-on à l'époque, dans ces pays, eh bien, si ces révolutions de velours ont pu se passer aussi pacifiquement, et avec une telle certitude de leur victoire, c'est parce que Gorbatchev ne voulait pas lever le quart d'une phalange pour les contrecarrer. Dès son accession au pouvoir, il avait dit aux dirigeants des démocraties populaires, aux Tchécoslovaques, aux Polonais, enfin à tous sans exception, écoutez, maintenant, c'est à vous de vous débrouiller. Si vous voulez garder le pouvoir, eh bien, réussissez ce pari, mais ne comptez plus sur nous parce que nous nous occupons de nous. De nous, à l'époque, l'Union soviétique. Ça voulait dire la répression genre Budapest 56, Prague 68, c'est fini. Hein. C'était hors de question. Alors ça veut dire aussi, on a cité le nom de Gorbatchev une fois, il est probablement l'un des hommes politiques les plus importants au monde de l'après-guerre. Hein. Ah, je le pense sans tout à fait, lui, bien sûr. Bernard, sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Absolument il faut rien. Le redire. Alors, il faut le redire avec une nuance. Ça se serait sans doute passé, oui. Mais un peu plus tard, voilà. Probablement un peu plus tard, et dans un climat de violence épouvantable, peut-être un bain de sang, et bon, faisons de l'histoire fiction. Si ça s'était passé comme ça, dans un bain de sang, avec un autre dirigeant au Kremlin, qui aurait tenté une répression, du type Budapest 56, ou Prague 68... Eh bien, qu'est-ce qui se serait passé ? Il y aurait eu de véritables guerres dans ces pays, contre l'armée rouge, mais aussi guerre civile, contre les armées nationales, contre les éléments des régiments en place, etc. Et à ce moment-là, et ce n'est pas une exagération, la paix du monde aurait été menacée. La paix du monde aurait été menacée parce que l'Europe centrale à feu et à sang, une répression brutale, sauvage, sanglante, écoutez, ça a ébranlé beaucoup de choses. Voilà, et ça, Gorbatchev le comprenait parfaitement bien. Alors, on a essayé d'être complet dans l'épisode tchécoslovaque. On va parler maintenant d'éléments contextuels vraiment importants, les autres pays. Hein. Alors, la RDA, qui se voulait le must quand même, parce que issu de l'Allemagne, il fallait que ce pays mette en place le régime le plus absolu, le plus abouti. D'ailleurs, quand on voit le régime de psychopathe qui est mis en place, on le comprend. La Hongrie, sorte de poste avancé à la fois économiquement et d'un point de vue de la société, voilà, oui. Et politiquement. La Pologne, bien sûr, l'enfant terrible du bloc de l'Est, c'est elle qui creuse la première brèche dans le glacis soviétique avec Solidarnosc en 1980. La table ronde. Et la table ronde. Après, et voilà. 88. Et donc, évidemment, un accord, c'est le premier dans le bloc de l'Est. Un accord entre le régime communiste et l'opposition. C'est l'époque où on disait en Pologne, votre président, à vous le régime, ce sera Jaruzelski, notre premier ministre, ce sera Tadeusz Mazowiecki. Il y a la Bulgarie dont personne ne parle, probablement parce qu'elle est la plus inféodée à Moscou. Alors ça, c'est un phénomène historique aussi. C'est un phénomène historique. La Bulgarie a par très rapport à la Turquie, notamment. Exactement, par rapport à la Turquie, ouais. L'Empire ottoman s'est appuyé sur la Russie historiquement pour résister, etc. Et puis la Roumanie et son régime ubuesque. Tout ça, je vous dis tout ça parce que finalement, on disait le bloc de l'Est. Enfin, il n'était pas monolithique, le bloc de l'Est. Ah, il était tout sauf monolithique. Il ne l'était absolument plus depuis... 1985, mais en vérité, depuis au moins 1956, c'est-à-dire depuis l'instauration des régimes communistes sous la férule de Staline et de l'armée rouge, évidemment, parce que tout ça, c'était un rapport de force militaire, tout simplement. Sauf en Tchécoslovaquie, où c'était un peu plus, même beaucoup plus nuancé, dans la mesure où en Tchécoslovaquie, pays très industrialisé à l'époque, il y avait un très fort parti communiste, de très forts syndicats influencés par un réel parti ayant vraiment ses racines fortes dans les usines, dans l'intelligentsia aussi. Bon, à l'exception de la Tchécoslovaquie, l'instauration des régimes communistes en Europe centrale a purement et simplement été le fait de l'armée rouge. Et donc, dès 1956, la Pologne entre en rébellion, c'est ce qu'on appellera l'octobre polonais. Dès 1956, la Hongrie entre en rébellion, c'est... Et vous savez, la rébellion de la Hongrie en 1956, sous Imre Noy, le dirigeant réformateur de l'époque, avait été beaucoup plus loin que n'allait aller en 1968, le printemps de Prague de Dubček, parce que Imre Noy annonce à Budapest en 1956 la sortie de son pays du pacte de Varsovie. Son pays devait rejoindre, à ses yeux, le mouvement des non-alignés. Pas l'Ouest, bien sûr. Pas le bloc de l'Ouest. Mais le mouvement des non-alignés. Quoi, avec la Yougoslavie, par exemple? Avec la Yougoslavie et bien d'autres pays. Notamment tous les pays qui allaient devenir les pays décolonisés. C'était en gestation encore à l'époque. Mais enfin, quand même. Et donc, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie qui bascule dans un petit peu plus tard, mais enfin sur cette lancée-là, qui bascule dans un régime absolument invraisemblable. Invraisemblable parce que il rompt complètement sur le front diplomatique avec Moscou. Ouais. Alors, c'est fini. La Roumanie ne suit plus l'Union soviétique sur la scène internationale, mais en revanche, Ceaușescu restaure en Roumanie un régime mais totalement stalinoïde, je ne dis même pas stalinien, mais stalinoïde, et qui poussait même la brutalité, vous disiez ubuesque, et c'est tout à fait raisonnable, jusqu'à transformer la famille gouvernante en famille régnante. Le monsieur et madame Ceaușescu ont chacun leur poète attitré. Monsieur Ceaușescu est chanté par ses poètes comme le génie des Carpates, le Mont Blanc de la pensée, le Danube de je ne sais plus quoi. Danube de la pensée, c'est ça. Le Danube de la pensée, oui, c'est ça, voilà, etc. C'est toujours de la pensée, naturellement, alors qu'il était totalement crétin. Mais, et madame Ceaușescu, petite femme ingrate, stupide, mesquine, enfin, absolument abominable, et sacrée, reine des arts et des sciences, et chantée elle aussi comme, je ne sais pas, comme Madame Curie, enfin bon. Donc, finalement, on fait un portrait c'est une mosaïque, hein, finalement. Ah, tout à fait. Et forcément, ces mosaïques vont générer des basculements, tous différents les uns des autres. Mais absolument. Allez-y. Et donc, j'arrivais sur la Tchécoslovaquie. Quelle est la spécificité de la Tchécoslovaquie, c'est que la Tchécoslovaquie avait, après le 20e congrès soviétique, celui de la déstalinisation, pris le tournant avec plus de retard que les autres pays. Le pays était resté extraordinairement figé malgré le 20e congrès, le rapport Khrouchtchev dénonçant les crimes de Staline. Eh bien, moyennant quoi, il y a un effet boomerang en 68, c'est-à-dire que là, en Tchécoslovaquie, la déstalinisation... C'est quoi ? C'est une décommunisation. C'est-à-dire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ce qui s'était passé dans tout le reste du bloc soviétique après le 20e congrès. Alors, le printemps de Prague, vous savez, à l'époque, en France, par exemple, parmi les intellectuels communistes ou sympathisants du parti communiste et qui commençaient à rompre avec le communisme très fortement, ben, soudain, ah, mais mon Dieu, mais le printemps de Prague, c'est la résurrection résurrection de notre idéal dans sa pureté. Et donc, il y avait eu un retentissement international, et dans tout le bloc soviétique, naturellement, du peintre de Prague, absolument phénoménal, tellement phénoménal, que, évidemment, la direction soviétique de l'époque, M. Brejnev, qui était déjà une espèce de croulant un peu gâteux, réagit avec une très très grande violence, et c'est l'écrasement du printemps de Prague par les armées du pacte de Varsovie, sauf celle de la Roumanie, parce que Ceausescu ne suit pas. Il est Staline chez lui, mais protecteur du printemps de Prague à l'extérieur. Ça veut dire que le printemps de Prague en 68 a une importance historique dans ce qui se passe en 89, c'est ça que vous voulez me dire? Absolument, parce que qu'est-ce qui se passe après l'invasion de la Tchécoslovaquie? Il se passe ce qu'on va appeler la normalisation. Mot sinistre, absolument. Et cynique, les deux. Et cynique aussi, oui, absolument. Bien sûr, mais c'était une réalité absolument abominable. J'ai longuement séjourné en Tchécoslovaquie pour le 10e anniversaire de l'écrasement du printemps de Prague. Mais la tristesse, l'accablement qui se lisait sur les visages des gens dans la rue, mais c'était quelque chose qui vous broyait le cœur. Tout simplement, qui vous broyait le cœur. Vous savez quelle était la plaisanterie politique la plus répandue à l'époque dans tout le bloc de l'Est, et naturellement à Prague? Deux ouvriers sortent d'une usine pragoise. « Bof !» dit l'un. « Bah !» répond l'autre. Et le premier dit « Bon, assez parlé politique. Ouais. » Et c'était ça, le climat. C'était terrible, terrible. Et naturellement, cette Tchécoslovaquie normalisée sera la dernière, avec la Roumanie, à prendre le train du changement en 89 et puis les premiers mois de 90. Pourquoi? Parce que il y a la violence, la dureté de cette normalisation. Vous le disiez très très bien dans votre récit tout à l'heure. Les gens qui avaient vécu le printemps de Prague en Tchécoslovaquie ne pouvaient plus croire au changement, alors qu'il était déjà patent partout ailleurs. Non seulement à Varsovie, mais à Moscou. Alors, autre chose aussi comme spécificité, c'est qu'il y a une dimension intellectuelle dans cette révolution, avec Václav Havel, avec les théâtres qui deviennent des lieux de rassemblement. Ça, c'est une vraie spécificité qu'on n'avait pas en Roumanie, par exemple. Pas du tout. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que Ceausescu avait complètement écrasé l'intelligentsia roumaine. Ce n'était pas le cas en Tchécoslovaquie, et finalement, ce qui se passe en 89 est une répétition de ce qui s'était passé en 68. Parce que qui est-ce qui avait impulsé le printemps de Prague? C'est exactement la même chose qu'en 89. C'était les milieux intellectuels, c'était le théâtre, c'était le cinéma, c'était la littérature, les profs de philo dans les universités. Pas eux seulement, naturellement, mais ils étaient véritablement la locomotive du changement en 68, et ils le sont à nouveau en 89. Exactement le même phénomène, sociologiquement parlant. Alors, le nouveau dessin de ces pays libérés du communisme, c'est l'Europe. Donc avec l'intégration de ces pays en 2004, une grande fournée, parce que l'Europe s'est dite, à juste titre, qu'elle avait pour vocation d'ouvrir les bras, pas de se refermer. Néanmoins, c'est des élèves un peu compliqués. On va écouter une archive, nous sommes en 2003, et c'est Jacques Chirac qui parle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette archive-là, de cette déclaration de Jacques Chirac, en tout cas on va l'écouter, et il dénonce l'attitude de certains États du centre de l'Europe par rapport à l'Europe, justement. Écoutez. À l'issue de ce sommet, Jacques Chirac a par ailleurs vivement critiqué la prise de position de certains pays d'Europe de l'Est, candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Au début du mois, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie s'étaient alignés sur la position américaine en signant une lettre de soutien à George Bush. Selon Jacques Chirac, ils ont commis une erreur. On l'écoute. Si sur le premier sujet difficile, on se met à donner son point de vue indépendamment de toute concertation avec l'ensemble dans lequel, par ailleurs, on veut entrer, alors ce n'est pas un comportement bien responsable. En tous les cas, ce n'est pas très bien élevé. Donc, je crois qu'ils ont manqué une bonne occasion de se taire. Bah oui, c'est célèbre, ça. Oui, mais Jacques Chirac avait manqué là une occasion de se taire, lui aussi. Ah parce que sur le fond, sur le fond, je considère qu'il avait raison. Bien parce sûr que il fallait, pardon de vous couper, mais il fallait quand même que ces pays-là sortent d'une dialectique un peu simpliste, qui était celle « mes ennemis, mes amis sont mes amis oui. ». Donc ces gens-là, effectivement, ces pays-là étaient tournés vers les États-Unis, qui étaient l'ennemi de leur ennemi, l'URSS. Bien sûr. Donc bien il fallait sûr. Sortir de ça. Oui, mais Jacques Chirac oubliait là, même si, encore une fois, il avait raison sur le fond, un fait marquant. Ces pays sortaient tous de... pratiquement un demi-siècle, 40 ans en vérité, de domination soviétique. Et leur dire, depuis Paris, avec cette arrogance, cette mort, quand même, qu'il y a dans cette phrase, vous avez perdu une occasion de se taire. Non, non, on pouvait pas leur dire ça. Parce qu'ils étaient de bonne foi. Parce qu'ils considéraient, ils se trompaient, mais on peut les comprendre. Parce qu'ils considéraient que l'Europe, l'ancienne Europe, la première Europe, les pays fondateurs et les premières nouvelles adhésions ne pouvaient pas les défendre contre une éventuelle résurgence d'un danger russe alors que les États-Unis le pouvaient. Ouais. Et donc ils ne pouvaient pas rompre et pas même prendre leur distance et pas même émettre une vraie critique contre la politique étrangère des États-Unis parce que à leurs yeux, les États-Unis restaient leur indispensable et incontournable protecteur. Qu'est-ce que l'Europe leur a apporté, finalement? Parce qu'on parle d'une Europe à deux vitesses. Certains, je crois François Hollande, d'ailleurs, à la fin oui, de son mandat, disait, mais, oui. il disait, pas seulement, mais il disait, bon, écoutez, on fait une Europe à deux vitesses, ce qui n'a rien de péjoratif, mais c'est oui. comme ça que ça peut avancer. Qu'est-ce que cela a apporté à ces pays-là, dont on a l'impression quand même qu'ils ont encore du mal à accéder à un niveau de développement qui est le nôtre? Écoutez, deux choses fondamentales. Ces pays n'auraient pas intégré l'Union européenne et voulu, immédiatement après 89, le faire. Il y aurait sans doute eu des conflits armés, peut-être très graves, en Europe centrale. Pourquoi ? Parce que la question des frontières aurait pu ressurgir. Mmh. La Hongrie aurait pu dire, mais on nous a privés d'une part très très importante de notre territoire au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'était tout à fait injuste. Il y a des Hongrois très nombreux, en Roumanie, qui parlent toujours hongrois, qui se sentent toujours hongrois, ben nous voulons récupérer ça. La Roumanie aurait pu dire, nous voulons récupérer la Moldavie, dont le pacte Molotov-Ribbentrop l'avait privé, etc., etc. Il y avait beaucoup, bien sûr. Beaucoup. Bon. Et l'Union européenne a dit, écoutez, vous voulez entrer dans l'Union européenne, première condition, vous respectez les frontières actuelles, car nous ne voulons pas de conflits frontaliers, de conflits armés en Europe. Et puis, deuxièmement, il y a eu évidemment l'appui économique qui a fait redécouvrir ces pays. Et ces pays nous ont fait redécouvrir la première raison pour laquelle on a créé l'Europe, empêcher les guerres. Absolument. Bien sûr que ça oui. Sera, et ça a marché. Ça et sera, ça a marché. Ça sera le mot de la fin, Bernard Gatta. Merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la révolution de velours en Tchécoslovaquie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.